Disait donc comment on était en retard de séance de cours, on va rattraper pour la simple question, finaliser ce qui peut se rapporter avant les vacances au groupe. Et nous reste la pharmacovigilance et l'éducation et grossesse. Enfin, on aura toute la latitude de faire un peu plus de TD concernant la première fois. La pharmacovigilance est en relation directement, vous allez voir dans le cours, il y aura des diapos qu'on va commenter, il y a des choses qu'on va discuter, et des autres qu'on a déjà. Donc, on ne peut pas parler des secondaires pour parler de pharmacovigilance. Vous allez voir que, avant de voir les pharmacovigilances, on va faire juste quelques questions. Quand on est dans l'esprit de j'ai des trucs pas sur cette fille. Avant de rentrer dans la conférence, on va faire un petit génial. C'est un élément qui va l'avoir. On va un peu détailler. Et pour asseoir et avoir certaines idées sur la conception du médicament, comment ça fait et comment on a pu contribuer à l'évaluation des médicaments et secondaires. Et quelle est la place là-dedans de la pharmacovigilance dans ce processus de conception et du contrôle clinique. Pas la conception d'elle-même, mais la conception clinique. En gros, on a fait des essais de l'animal à la humaine, qui sont les étapes d'études. Donc là, vous allez voir au processus des études secondaires, quel est l'apport de la pharmacovigilance. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le temps de terminer les études, quand on termine la conception. Également, on parlera bien d'imputabilité. Comment établir le lien de causalité en disant que ce médicament a entraîné ou est responsable de ce que tu veux dire, et l'inverse, la loi, là on a des appétences en mathématiques, les mathématiques ont changé, il y a des lois injectives et des lois bijectives. La loi injective, ça va dans un seul sens, la loi bijective, elle va dans les deux sens. Donc pour vous dire que ce médicament est responsable de l'effet secondaire, il faut que ce soit dans les deux sens. Que l'effet secondaire est imputé au médicament et que le médicament soit responsable de cet effet secondaire. Il ne faudrait pas que ce soit dans un seul sens, sinon c'est faux. Et on va voir ensemble comment on peut imputer comme ça. On fera un débit complet entre les interactions et l'imputabilité. Parce que souvent, on ne va pas parler d'un médicament qui est dans une performance, mais d'un autre médicament. Et dire voir la responsabilité. Est-ce que c'est l'interaction qui a été responsable ou là c'est le médicament lui-même? Donc vous avez écrit le titre de pharmacovigilance. Je ne vais pas vous dire. C'est un sujet. Pour ceux qui connaissent un peu, qui lisent un peu, Molière. C'est Molière. Il a fait beaucoup de scènes. Il a écrit beaucoup. À Arpane, là-bas, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase très célèbre. Les gens au XVIIe siècle. Il a dit que pour suivre le traitement, vous devrez être normalement en bonne santé. C'est une autre logique. Si on est en bonne santé, on n'aura pas de traitement. Lui, il pensait autre chose. En disant que s'il faut être en bonne santé, pourquoi? Parce qu'en plus de supporter la maladie, il faut supporter le médicament. Donc il vaut mieux être en bonne santé pour supporter que le médicament. Pour ne pas supporter la maladie. Alors pourquoi? Parce que, en fin de compte, quand on est malade, on est assujetti à deux choses, comme si c'est, toujours je dis, une arme, un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut faire ça pour couper et guérir, mais de l'autre côté, quand on lève le traitement, parfois, on coupe également et on blesse. Ça va être également d'autres choses que ça que Molière a. C'est pas en train d'écrire. Bonjour, mais je ne vais pas vous dire. Molière a dit. A pour but la réduction, la diminution de la morbidité et de la mortalité à valeur thérapeutique. À propos, une réduction de la morbidité et de la mortalité. Elle a produit également une éradication. Éradiquer, c'est supprimer totalement. Éradiquer certaines maladies. L'éradication de certaines maladies. Autre élément qui est important, c'est la prolongation de l'espérance de vie. Il apporte également, la valeur se mesure par la prolongation, c'est que ce médicament permet de prolonger l'espérance, prolongation de l'espérance de vie, et en dernier, et améliorer la qualité de la vie. Et améliorer la qualité de la vie. La quantité, c'est l'espérance. Vous verrez sur, si vous allez sur Internet et que vous cherchez, par exemple, vous demandez des informations, tout ce qui se rapporte à la santé au Canada, et bien vous ne verrez pas le ministère de la Santé. Vous appelez quoi ça, le ministère de la Santé? C'est maintenant le ministère de la Santé et de la réforme de la guerre, un gros mot. Ça fait 25 ans qu'on réforme et on n'a rien réformé. Eux, avec le temps, ça se déforme. Ça se réforme pas, ça se déforme. Ils appellent ça le ministère de la qualité de vie. Pour eux, c'est que si on donne à un sujet une bonne qualité de vie, la qualité, eh bien, il va bien vivre. D'accord ? Et tout ce qui est autour. C'est-à-dire que pour eux, il ne faudrait pas penser uniquement à la maladie. C'est tout ce qui est autour. Lui donner donc une bonne, il n'y a pas de stress, une bonne alimentation, et le reste va venir. D'accord ? Ils n'ont pas le ministère de l'environnement. Le ministère de l'Environnement fait partie de l'Union de la qualité de l'homme, etc. Il y a un certain nombre d'éléments, les affaires sociales, hein, donc, ça fait partie du ministère qui s'occupe d'un sujet. D'accord ? Donc la qualité, si vous voulez, un médicament a pour but, si on veut, on projette l'activité d'un médicament, vous aurez à prescrire un médicament, parce que ce médicament puisse donner une bonne vie, même s'il a sa maladie, il peut vivre correctement. Même s'il a, il ne faudrait pas qu'il souffre. Que ça peut prolonger sa vie, mais dans la qualité, parce qu'il peut vivre très longtemps et mal. Il vaut mieux vivre peu et bien. Donc ça s'arrête. Que cette maladie peut supprimer dans le cadre préventif les comorbidités et comortalités. Et essentiellement, si on peut, très peu de médicaments arrivent à supprimer totalement les maladies. Il y a certaines maladies qui ont disparu. Il y a la variole, il y a la poliomyélite, certaines vaccinations qui ont presque disparu. D'accord ? Il y a des médicaments qui ont disparu, qui reviennent. Ce n'est pas la peine de prendre. C'est pour vous donner tout simplement une idée, vous expliquer comment s'est fait le cheminement. C'est que déjà, au 19e siècle, on a commencé à comprendre et connaître qu'un médicament pose des problèmes. C'est vrai qu'il corrige, mais il peut poser un certain nombre de problèmes. Le premier accident, avant le premier anesthésie, la première molécule anesthésiante, était plutôt enfant. D'accord ? Et là, on a constaté qu'il y avait un enfant qui a décédé à, tout simplement, en faisant le chloroforme. Et à l'époque, on utilisait quoi ? C'est-à-dire que c'était des chimiques imprégnés qu'on mettait dans le poumon, donc, de la bouche éliminée, permet donc d'endormir. Et là, l'enfant ne fait jamais rêver. On a mis en place, et vous constatez que de 1948 à 1993, parce que 40 ans après, c'est comme ça qu'on a pu mettre en place, et là, il y a eu beaucoup d'accidents. On a mis en place des commissions, disant qu'il faudrait, quand on met un schéma de consensus, il faut suivre la thérapie, sinon ça peut poser des problèmes. Et c'est en 1936, parce que je dirais 100 ans après, que lorsqu'il y a eu un grand dégât aux États-Unis, en utilisant le diéthylène glycol comme médicament, il y a eu 107 sujets, patients qui ont décédé brutalement, en moins de 48 heures. Ça fait donc un grand scandale à propos donc de ce médicament. Et par la suite, on s'est retrouvé avec une nouvelle molécule. On s'est dit que les médicaments n'entraînaient pas uniquement des effets secondaires chez le malade, mais ils pouvaient l'entrer chez la descendance. Hein? Et là, c'est un effet tératogène, une malformation, chez des mamans traitées par la thalidomide. Et on en parle maintenant, même si vous tapez sur Internet, la thalidomide, on en parle jusqu'à présent. Beaucoup de personnes se plaignent, ou parce que c'est une altération génétique, et que des malformations sont perceptibles. C'était la grand-mère qui a pris la thalidomide. On n'a pas vu la tête chez la mère, mais chez la petite fille. Vous voyez, donc, carrément, ça traîne encore, et le problème dure depuis les années 60. En 64, le premier qui a réfléchi à le système de suivi thérapeutique qu'on en fait chez nous, hein, la carte Chipa. Donc, ils ont appelé la carte JUST, on en veut bien, on suit à peu près les indications thérapeutiques. Une année après, c'est les Européens, après les Anglais et après les Américains qui ont instauré une loi, la loi 67. Elle est appelée 65-65 parce qu'elle a été mise en place en 1967. Et que le numéro de l'arrêté 65, comme celle-là, 65-65, qui a carrément obligé à discuter toute l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'il fallait homologuer le médicament enregistré dans un pays, quel que soit ce pays. Et c'est en 1968 où on s'est rendu autrement dans notre problème que les effets ou les accidents thérapeutiques n'étaient pas toujours inhérents à la posologie. C'est-à-dire qu'on a trouvé certaines personnes qui avaient des doses journalières normales et qui développaient des accidents thérapeutiques. D'accord ? Et là, ça a donc un autre problème où on a déjà cité au préalable, c'est le phénomène de surcharge. C'est-à-dire que certains sujets, suite donc à une prédisposition, sur un terrain sous-jacent, au lieu que le médicament soit éliminé, donc il se concentrait, il se stockait, et là, on a exigé que le médicament soit dosé, ce qu'on appelle le TD1 thérapeutique. Drogue, monitoring, c'est le suivi thérapeutique, c'est-à-dire qu'on mesure les concentrations plasmatiques de certains médicaments qui sont dangereux. Et on a obligé en 1968 certaines classes, surtout les médicaments liste 1, à doser. On va voir maintenant, grossièrement, ça c'est pas le schéma, donc on va aller voir étape par étape, c'est le grand 2, comme vous allez dire, c'est le développement des médicaments. Après, donc le développement. Les médicaments, vous allez voir. Schéma qu'on a déjà cité, c'est qu'il y a des phases avant l'utilisation de ce médicament, il y a des essais sur des animaux. Et donc, de l'animal, on extrapole les essais à l'être humain. Ça, c'est la phase clinique. Parfois, ces essais sont concomitants, c'est-à-dire la phase 1 est couplée à la phase pré-clinique. Parce que là, on est en phase clinique. C'est-à-dire chez l'être humain. Et on va voir ensemble, dans les deux développements, qu'on passe par la phase 1 et quel est son rôle, la phase 2, quel est son intérêt, la phase 3, qu'est-ce qu'elle a conduit pour passer à la phase 4. Et c'est dans la phase 4 où s'installe carrément la pharmacovigilance. Là, on est en pré-AMM et autorisation mise sur le marché. Et là, on est en post-AMM pour certaines molécules. Vous allez voir que certains sont enregistrés et ne sont pas toujours vendus. Là, essentiellement, le rôle du clinicien est un rôle prépondérant. Là, c'est du domaine de la recherche. Pas les médicaments. Mais là, ce sont des médicaments qui sont en vente et que le rôle du clinicien, carrément, pour éviter, vous allez voir les exemples qu'on va voir dernièrement, les erreurs et les effets iatrogènes, c'est là le pharmacovigilance. Et on va voir quelques exemples. Donc, dans le développement du médicament, vous notez cette étape. Ce processus est réalisé en quatre phases. Ce processus est réalisé en quatre phases. Je ne vais pas vous n'allez pas douter ça, c'est déjà vu. Parce que dans un médicament, quand on met en place un médicament, et vous montrez une planche qui va vous un peu vous choquer, c'est qu'on est en train de rechercher quoi? Et bien on est en train de rechercher carrément une réponse thérapeutique, c'est-à-dire des effets pharmacodynamiques. Mais parfois, à côté des effets pharmacodynamiques, on a des effets indésirables. Mais également, il y a des effets qui sont toxiques. Donc, les trois effets, on en a parlé. Il reste les effets latéraux. On en a parlé, mais indirectement. Les effets latéraux, c'est quoi? On est classe. Ce sont des effets qui sont entre les effets dynamiques, c'est-à-dire la réponse du médicament, et les effets indésirables. C'est-à-dire, on peut les considérer en même temps, d'accord, comme étant un effet secondaire et comme un effet primaire. C'est pas comme l'aspirine, c'est comme le préparant. Le préparant, vous connaissez, c'est un antivomitif. C'est un anti-émétiste. Mais quand on a mis en place la recherche de cette molécule, le préparant, vous allez voir en cours ultérieurement, il obéit à une classification particulière, c'est un neuroleptique. Il a une activité inhibitrice sur l'activité dopaminergique. C'est un antipsychotique. On le donne, on est censé, dans la classification, il est prescrit dans le cas des psychoses. D'accord ? D'état d'anxiété primaire. Mais lui, il n'agit pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est un médicament, vous allez voir, il va ailleurs. Et carrément sur l'activité dopaminergique, il va bloquer une activité de telle sorte que cette activité est un effet anti-vomitique. Eh bien, on a pris ça comme étant une activité latérale. On a transformé l'activité latérale, la secondaire, comme étant une activité primaire. Voilà ce que c'est. Souvent, vous verrez dans les bouquins, dans les revues, ils mettent side effects. S-I-D-E, c'est des effets d'à côté. Ce n'est pas des effets primaires, mais c'est à côté de l'effet primaire et c'est à côté d'un effet secondaire sans être ni l'un ni l'autre. On peut. Je vous ai donné un exemple avec les antihistaminiques qu'on donne dans les allergies. Parfois, vous-même, vous pouvez les prescrire chez des enfants agités. Voilà, certains parents utilisent l'effet quoi? L'effet sédatif pour calmer les enfants agités alors que sa propriété primaire est un effet antihistaminique. Mais on exploite son activité latérale hypno-sédative comme étant une activité latérale qui devient primaire. On donne le sirop, d'accord, pour faire dormir les enfants, là, même parfois certains adultes, qui ont carrément des allergies, très irritantes, des prurites. Donc ça permet d'arrêter et de faire dormir le sujet. D'accord. Là, c'est que l'effet antihistaminique est un effet primaire. Alors que l'effet hypno est un effet latéral. Mais il est considéré également pour vous comme un effet secondaire. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un antihistaminique à quelqu'un, vous lui dites est-ce que vous êtes conducteur? Parce que ça peut le faire dormir et produire des accidents en cours de route. Vous l'avez un menuisier ou un atolite, tout ça. Parce que l'effet de somnolence peut provoquer des accidents. Là, selon la situation, vous pouvez le considérer comme effet secondaire, sinon comme un effet primaire. On est bien d'accord? Mais c'est là, donc, entre les deux, et bien on va dire que c'est un effet latéral. On est bien d'accord? Voilà donc les différentes réponses. C'est pas pour les noter, c'est tout simplement pour vous expliquer ce que c'est une activité latérale qu'on va voir par la suite au fur et à mesure. Donc je reprends, donc j'ai dit qu'on pouvait les classer en 4 phases, vous mettez la phase 1. La formuler autrement, c'est de poursuivre. Une fois, la phase 1 est dite. Elle a pour but, tout simplement, de déterminer la dose maxima tolérable. La DMT, c'est-à-dire la dose qu'un sujet peut supporter. Supporter, c'est-à-dire que quelle est la dose qu'il peut, je ne sais pas, quoi. Non, la mort chez l'animal. C'est-à-dire des effets secondaires. Nocifs. Merci beaucoup. Nocif et irréversible sur une fonction vitale. Là, chez l'animal, c'est la mort, mais chez l'être humain, on ne va pas attendre qu'il meure. Et là, c'est pas vrai. on essaie de déterminer quelle est la dose qu'un sujet peut supporter sans pour autant atteindre la dose maximale mortelle ou là un effet qui peut être irréversible. C'est pour cela qu'on dit que le choix de la voie d'administration va dépendre des essais des animaux, mais également va dépendre de l'objectif thérapeutique. Est-ce que vous cherchez une urgence? Si donc, à travers cette thérapeutique, vous cherchez l'urgence, il faut donner par voie intraveineuse. Sinon, si un médicament à traitement chronique, on va donner par voie orale. Donc, les objectifs donc, changent en fonction de ce que vous allez choisir. Mais là, dans tout ça, quand vous lisez carrément la deuxième phrase, vous pouvez rassembler toute cette phrase en un mot. Laquelle? Oui. Et cet objectif va dépendre d'un mot. Non. Oui, et cette efficacité dépendra. Merci beaucoup, la biodisponibilité. Est-ce que je veux avoir une biodisponibilité absolue en grande quantité? Sinon, je peux avoir une biodisponibilité relative. Et je dis que dans ce cas, on revient, dans ce cas, j'ai donné une dose parce que les effets secondaires sont recherchés et attendus. Ça, je voulais chercher. J'ai donné des doses de telle sorte à rechercher quels sont les effets secondaires. Et donc, ce sont des effets secondaires qui sont prévisibles et qui sont très bien prévisibles et doses dépendantes. Je ne m'attends pas à avoir des effets secondaires, doses indépendantes, parce que là, je cherche à quelle dose je peux avoir des effets secondaires qui peuvent être néfastes sans pour autant. Vous me suivez toujours, s'il vous plaît, avant de prendre la. Avant de justifier. Comme ça, je crois qu'on sera d'accord. Donc, je vais, en fonction de la dose, la réponse. En fonction de la dose, j'ai la réponse au défi. La cause, on a qu'elle a lieu. On a déjà vu. Pardon ? Bon, je commence par là. Est-ce que je fais ça? Non. Très bien, si tu dis oui, j'ai rien. On n'a rien, pourquoi? On n'a rien, il faudrait. Très bien, maintenant, un délai suffisant. Attendez, la réponse n'est pas. Et puis, on commence à voir jusqu'à au moment où on a le maximum. Et si ça, rappelez, je vous ai dit qu'on allait revoir cette courbe, on la divise en 4, où j'ai plus un d'effet 0, plus un d'effet primaire, plus un d'effet secondaire, et la troisième, c'est la zone toxique. Le maximum, il est plagé d'un mort. On était d'accord? Arrêtez de mettre. Je ne vais pas trouver le tableau avec vous, on va y arriver. Je ne peux pas. On est bien d'accord sur ça? Maintenant, imaginez qu'on est toujours dans la limite. Je suis en train de faire des essais. Maintenant, je ne cherche plus un effet, je cherche une réponse chez l'animal. L'animal, c'est quoi? Je détermine carrément une dose létale. C'est la dose qui. Mais généralement, chez les animaux, on détermine un paramètre très important, la DL5. La dose létale qui tue 50. On essaie de comprendre pourquoi, lorsque je donne à des animaux, les mêmes animaux, dans le cas, je donne la même dose et je suis arrivé à tuer 50%, c'est-à-dire que si j'ai 10 souris, 10 rats, 10 sont morts pour la même dose et 10, plutôt dans les instants, 5 sont décédés et 5 sont restés vivants. C'est la question. Pourquoi? Imaginez maintenant, je vous demande, ça c'est pas tout, c'est votre imagination, si je maintenant j'extrapole en disant que je donne des doses chez des animaux et j'ai déterminé le nombre de morts, le pourcentage de mortalité, j'aurai quelle valeur pour laquelle la courbe aura quelle allure. Si je vais donner des doses croissantes, j'ai des noms et je vais donner 1 gramme à ce lot de 10 souris. Bon, le premier, je vais rien donner, naturellement, Moi, je vais donner, je vais revenir sur ça. Je vais donner 1 gramme, je vais donner 2 grammes, 3 grammes, etc. Non. Non, allez. 1 gramme. Non. 1 gramme. Non. Vous êtes d'accord? On va pas en finir. Hein? Soyez, s'il vous plaît, soyez logique avec vous-même. Quelle est la même? Pourquoi? Je vais mettre en gras. Quand j'ai commencé à donner des doses, les premières doses ne vont pas tuer. Au moment où je vais commencer à donner des doses qui vont tuer jusqu'à la fin, 100% de mort. La dose va tuer. Non, pas pour toute question. La tribune, c'est vu le. Voilà. On est bien d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur la lueur? Pas en de l'été primaire. Gardez sur les morts. Pardon, là on parle. Là, vous avez des souris qui ne vont pas mourir. Mais vous risquez d'avoir dans la zone primaire une à deux souris qui sont mortes. C'est ce qu'on appelle les intolérances. Et c'est là où on peut expliquer. Là, on a évalué quoi? On a donné des doses de telle sorte à rechercher un critère. C'est pas la thérapeutique. De rechercher la mort. D'accord? Moi, je parle pas des doses, je parle de l'allure. Ce côté-là, c'est pour vous montrer que la souci perd cause. Pourquoi? Parce que là, quand je fais 50% de ventre extrapole, vous allez voir que souvent, on sera entre la zone primaire et la zone secondaire. Parce qu'il y aura des souris qui vont supporter et pas d'autres. C'est là que j'ai dit, quand j'ai fait les schémas, entre la phase préclinique et la phase 1, sont des phases qui sont très proches l'une de l'autre. Cela que dans le cas chez les êtres humains, on évalue une réponse d'un effet secondaire qui ne doit pas dépasser la tolérance, mais pas la mort. Ça, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas une atteinte cardiaque sévère qui va provoquer l'arrêt. Si on provoque l'arrêt cardiaque, on va tuer. On n'est pas à ce stade-là. Par contre, chez la souris, on est carrément un critère, c'est la mort. Il y a des signes ou pas. Mais la compréhension des groupes, c'est de se poser la question, pourquoi pour la même dose, j'ai une souris qui meurt et une souris qui ne meurt pas. Pourtant, c'est la dose qui a tué X. Pourquoi elle n'a pas tué Y? Donc c'est un mécanisme carrément. Là, on n'a pas parlé d'un effet d'accoutumance. C'est la mort. Et c'est pour cela que l'état d'équilibre explique un peu. Et c'est comme ça qu'on peut extrapoler carrément ces doses à possession de la tumeur, naturellement, en visant un facteur de sécurité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on détermine le principal objectif, c'est de faire quoi? Et bien, mon objectif, de déterminer quoi? C'est ça, allez, va bien. Je commence par donc, je vais de la droite à la gauche, les essais. Je détermine ne pas dépasser la dose prescrite. Parce que si c'est trop mieux, ne pas dépasser la dose, parce que vous êtes sûr qu'à cette dose-là, vous risquez d'avoir des effets gravissimes, des effets toxiques. On est bien d'accord ou pas? D'accord ou pas? Tu es sûr? Non, pas caché. Il n'y a pas du gris, c'est blanc ou c'est noir? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si vous êtes d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. On essaie de déterminer, tout simplement, en extrapolant, en disant que ça va être supposant qu'on a 1 gramme qui a tué 50%. Naturellement, quand on extrapole chez l'être humain, on tient compte du volume de distribution. On travaille sur le côté comme ça, on va diviser par le volume de distribution et on divise également par 1000 qui est le facteur de sécurité. On appelle ça un CEPH, c'est-à-dire équivalent à la toxicité 1. C'est un facteur qu'on a déterminé dans la recherche. D'accord? Tout simplement. Mais ce facteur nous permet de voir quelle est la dose que l'être humain peut supporter sans pour autant altérer sa fonction. Vous montrez que les cons se perforcent sans que les indicateurs. Chez l'animal, l'indicateur est la mort. Chez le mammifère, c'est la prospérité tolérable. Jusqu'à quel moment, d'accord, je vais vous mettre une aberration, s'il vous plaît. On va mettre quelque chose comme ça, et on va lui mettre des poids. On va lui demander de ne pas bouger. Et on va à un certain moment jusqu'au tremblement. On ne va pas attendre tout à fait. Dès qu'on a des premiers signes de tremblement, on va dire que c'est la dose, c'est le poids qu'elle peut supporter sans appel, donc une faiblesse, une appel. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous notez, s'il vous plaît. C'est le principal objectif. Le principal objectif est de déterminer. Principal objectif est de déterminer. La dose maxima tolérable, principal objectif, il y a qu'un seul objectif d'attente, et de déterminer la dose maxima tolérable. Et on met en parenthèse D, M, T. On notez qu'en clinique, le choix de la voie d'administration. En clinique, le choix de la voie d'administration est orienté par l'expérimentation animale, est orienté par l'expérimentation animale et essentiellement par l'objectif thérapeutique. Par l'expérimentation animale, et essentiellement, vous soulignez, objectif thérapeutique. Pour ne pas oublier, vous mettez quel mot-clé ? Biodisponibilité. Notez que dans ce cas, les effets secondaires, sont à la fois attendus et recherchés. D'accord ? Ils sont prévisibles. Donc, on cherche les effets type A. C'est pas possible, ils peuvent apparaître à des effets type 2, surtout ça dépend de des effets secondaires à des doses thérapeutiques. Sont à la fois. D'accord ? Dans ce cas, on est en train de rechercher les effets secondaires sont à la fois attendus et recherchés. Et prouver quoi ? Zéro. Merci. Des activités. C'est tout. Des activités, j'ai dit ni primaire, ni secondaire. À ce moment-là, on a mis en place une molécule, on la teste, et elle va vous donner des effets. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter? D'accord? On va avoir plusieurs réponses. Mais parmi ces réponses, quelle est celle qu'on va par la suite exploiter pour dire que ça, c'est une activité primaire, et le reste sont des activités secondaires. Sinon, on peut dire qu'on peut garder celle-là, celle-là et celle-là, parce que ce sont des réponses et des activités qui sont doses, on avait dit, doses dépendantes. J'ai dit, et je vous répète le même exemple pour que ça soit gravé, et que ça reste une forme tout à fait d'exemple. Je vous ai parlé d'aspirine. L'aspirine à 100 mg a un effet anti-agrégant paritaire. À 500, c'est un antalgique antipyrétique, et à plus de 2 fois grammes, elle est anti-inflammatoire. On est bien d'accord. Soit c'est des activités qui sont doses, avec la dose, mais une activité primaire peut devenir une activité secondaire. Un effet anti-agrégant, chez certains quand ils prennent de l'aspirine, bon, ça va provoquer un début d'ulcération, des hémorragies, etc. D'accord ? Là, tout dépend des objectifs thérapeutiques recherchés. Mais là, cette phase, et c'est pour cela que j'ai dit, la molécule est administrée plusieurs fois, au même malade. Pourquoi ? Non, non, je ne prends pas la dose. J'ai dit la même dose. Je donne la même dose au même malade, mais plusieurs fois. De 1 gramme, d'autres fois 1 gramme, d'autres pendant 4, 5 jours, une semaine. Vous pouvez quoi? Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a de traitement? Très bien. Vous avez trouvé, je suis là. Petit oiseau fait son nid. Il faut attendre un délai suffisant. Vous avez dans la cour, avant l'effet primaire, j'ai rien. Si j'ai rien, c'est que pas. Il faut attendre un délai suffisant pour juger de l'efficacité. Et ce jugement va dépendre du temps. Il faut attendre 5 à 7. Parce que ce n'est pas en donnant une à deux fois ou à trois fois, vous allez dire, ah non, j'ai plus d'effet secondaire. C'est faux. Il faut attendre que l'état d'équilibre. Et c'est là où je vais juger que ce soit une activité, parce que je dis les activités primaires ou autres. Je vais classer. Mais il faut attendre un délai, c'est ce qu'on donne. Et c'est à ce moment-là, j'ai la notion pharmacocinétique capable. Je mets en place des études pharmacocinétiques avec le temps. Mais dans ce cas, donc, j'ai besoin, il y a un peu, quel est le temps? Le paramètre indispensable pharmacocinétique, c'est T1,5. C'est en fonction de ces éléments, je vais calculer sa vitesse d'élimination, sa vitesse, etc. Paramètre pharmacocinétique. Je n'ai pas dit paramètre pharmacodynamique. C'est vrai que j'établis la relation dose et effet, mais plus je fais l'étude de pharmacocinétique pour voir quelle est sa vitesse d'absorption, de distribution, d'élimination, etc. Est-ce que vous êtes bien d'accord pour la phase 2? Donc vous notez pour la phase 2. Alors, vous mettez de trouver. Vous mettez trou avant trou. Alors, donc, de trouver et de prouver les activités pharmacologiques. Afin d'établir la relation dose et effet. scientifiques sont atypiques. Les études pharmacocinétiques sont atypiques. Et l'incidence pour déterminer des fréquences. Et là, c'est important. Mais dans la phase 3, il y a un problème. C'est vrai qu'on cherche à prouver l'activité thérapeutique, d'accord, mais il faudrait écarter toute problématique, toute population à risque. Lesquels ? La femme enceinte, les terrains sous-jacents, les enfants, les sujets âgés, pour éviter à ce que ce médicament ne subisse pas une pharmacocinétique particulière qui va provoquer des effets secondaires qui vont masquer la réponse thérapeutique. On les écarte. Et vous allez voir, je vais passer tout de suite à la phase 4, et bien la phase 4, c'est la même phase 3, mais elle accepte tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour permettre de classer cette molécule en disant ce médicament doit être indiqué, mais il est proscrit. Parce qu'au départ, on a écarté les populations à risque. Mais ben, on va les introduire. Mais si l'effet thérapeutique était bon, mais on n'a pas observé des effets secondaires. Mais par la suite, cet effet secondaire peut apparaître chez les enfants. On dit que ce sont donc des médicaments proscrits chez les enfants de moins de 7 ans. Ça existe. Des effets produits chez, par exemple, carrément, chez un sujet qui fait une atteinte, qui a fait un AVC, etc. Médicaments proscrits chez ulcéreux, etc. Cette phase 4 nous permet carrément d'établir une activité. On veut avoir une bonne activité en écartant toutes les proscriptions. Vous notez que la phase 3, elle est destinée à prouver. Destinée à prouver l'activité primaire. Prouver l'activité thérapeutique ou l'activité primaire du médicament. Elle comporte, ça c'est une obligation, elle comporte des études comparatives, par rapport à un placebo et ou médicament de référence. Placebo et ou médicament. On fait une étude comparative par rapport à un placebo ou par rapport aux médicaments, ou les deux. D'accord ? Et puis, le nombre de malades est limité à 3000. Tout en écartant l'ordre de malades et de 3000, tout en écartant les populations à risque. Votre camarade dit que si on a une molécule de référence, pourquoi fabriquer une autre ? Ça, c'est l'industrie pharmaceutique. Si on s'est contenté d'avoir que le Visken en tant que hypoglycémiant, on n'aurait pas fabriqué un combien de bêta-bloquants ? Il y a un peu plus de 46 molécules de bêta-bloquants. D'accord ? Ça, c'est l'industrie. Ça, c'est le défaut commercial. Maintenant, à tout un chacun de choisir. Parfois, certaines molécules sont indiquées dans une population, pas dans l'autre. Elles peuvent être une référence chez nous, mais elles ne peuvent pas être aux États-Unis. Parce que le régime, parce que ça d'accord, parce que les Allemands également ont une nomenclature qui n'est pas la nôtre. Parce qu'ils ont un régime qui n'est pas le nôtre. C'est pas les ennemis. Pardon ? C'est pas les ennemis. Il ne faut pas aller au-delà. Vous allez voir. La phase 4, vous notez, c'est rien. Elle palie tout simplement la phase 4 au facteur limitant de la phase 3, c'est-à-dire quel est le facteur limitant ? C'est la population, pas spécialement terrain sous-jacent, mais parfois la femme enceinte. Donc on l'utilise pour tout le monde. Elle palie au facteur limitant de la phase 3. C'est une phase qu'on appelle phase post-AMM, autorisation de mise sur le marché, et elle est appelée également pharmaco-épidémiologique. Pour d'autres, les Américains, ils appellent ça la phase PLS, post-marketing surveillance. Chacun a un nom qui lui est bon. Ça dépasse à 23 ans, 24 ans, bon, il n'y a pas de problème. En Europe, le problème est autre. Vous la trouvez à 15 ans, elle prend. Ça, c'est indiqué, il y a des distributeurs, un peu, des pharmacies, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas étudié cette population, je veux dire, à risque, qui était de 15 à 20 ans, qui n'a pas la même, le même profil hormonal. Et on a constaté que ces personnes, eh ben, après 30 ans, avaient développé le cancer du sein. La fréquence, on laisse, c'est beaucoup plus important chez ces personnes. C'est pour ça que maintenant, on est en train de faire un scandale. C'est vrai que la fréquence n'est pas importante, mais on n'a pas assez de recul pour le prouver. Mais il y a des indicateurs. La même chose pour le Viagra. Le Viagra, quand il a mis dans ce truc, c'est une molécule miracle qui a des bienfaits, tant mieux. Mais on a oublié que chacun a une population particulière et que c'était un médicament qui a été utilisé pour des sujets qui ne devaient pas accéder à 50 ou 60. Or, ça dépend des mentalités, et bien, il y a des gens qui ont 80 ans, pas du Viagra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des arrêts cardiaques. Voilà, maintenant, on a retiré parce qu'il n'y a pas eu une étude sur cette tranche de population. C'est des sujets âgés. Parce que tout le monde s'est dit, ah, il n'y a pas de problème. Et non, on me met maintenant, il est proscrit. Donc, vous prenez la nouvelle notice, il est proscrit, donc il doit être indiqué après avis d'un cardiologue. Chez les sujets âgés. Donc c'est ça le. Quand on chasse la phase 3, on ne fait pas une étude en phase 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Notez tout simplement que plus la fréquence, c'est pas la peine de noter tout ce qui est sur le tableau. Vous notez ce que je dis, que plus la fréquence des effets indésirables qui est faible, plus la fréquence des effets indésirables est faible, plus le nombre de malades à laisser, plus le nombre de malades à laisser, doit être important. Plus le nombre de malades à laisser doit être, c'est-à-dire quand on peut faire le test, il doit être important. Plus le nombre de malades à laisser, L'E2S-A, c'est-à-dire sur lesquels on va tester, à laisser. Pas laisser dans le verre d'argent, laisser vous. Pas coller, laisser. L'E2SAI, c'est-à-dire sur lesquels on fait un test. Est important. Car on multiplie les chances. Car on multiplie les chances d'observer. Les effets primaires ou secondaires. Vous notez que dans ce cas, monsieur, je ne pense pas, phase 4, ou là. Généralement, la phase 4. Que ne pas limiter à moins de 3000, pour aller plus. Monsieur Léo, il n'y a pas déjà beaucoup d'efforts. On a déterminé certains produits qui avaient une activité primaire, d'accord, comme la noramidopyrine, et ça fait des années, on a dit qu'il faut raturer de la d'accord. Si on veut, il vaut mieux que de prime abord, on mette en place un nom pour appuyer l'étude. Sinon, la refuser. D'accord. Et là, on est en phase de pharmacovigilance. C'est-à-dire, ça sous-entend que c'est une molécule qui doit être utilisée dans une population large. Parce que c'est un médicament qui restreint une population particulière. C'est un médicament qui doit être donné que pour les boucleurs et que si, là, pour les maladies orphelines. C'est ça. Et si c'est donc pas une maladie orpheline en Algérie, on a une centaine. Déterminer le risque d'avoir, de dire que c'est un stimulant qui a un bon indice, un bon index, pour avoir plus d'effets secondaires, d'abord que le calcul de la prévalence et de l'incidence va attribuer. Et plus vous avez un nombre important, plus vous êtes à l'aise pour dire que c'est bon, que c'est mauvais, d'accord? C'est comme ça, c'est l'examen. Plus vous avez des questions, plus vous avez que si je cherche un cours, je peux. Mais si je vais m'amuser à vous donner des questions sur un cours, et que quand par hasard un cours, j'ai attribué ma fatouche, hein? Donc, comme c'est souvent le cas. Donc, pour cela, il est impératif, cela, pour dans, comme si ça changeait quelque chose. Donc, dans ce cas, pour cela, dans ce cas, il est impératif, il est impératif de calculer la prévalence, qui est le nombre de cas, qui est le nombre de cas existants ou survenants dans une population déterminée. Mais là, je peux encore dans l'exemple que j'ai donné, je peux encore chiffrer et orienter mon incidence. Je vais dire incidence en 2010, chiffre le suicide de jeunes de 15 à 25 ans, d'accord ? Là, elle est de 1%. J'aurais pu encore la limiter en choisissant quel paramètre ? Je peux encore cibler. Vous allez voir que l'incidence va encore chuter. Donc, vous ciblez encore mieux quand on calcule l'incidence par rapport à la prévalence. Les deux, voilà. Mais ces chiffres, tout simplement, me permettent, par la phase de noter, c'est de déterminer le dénominateur. Si je dis que j'ai 8 chances sur 10, 0,1%, ce qui est très très grand. Mais si j'ai de 0,001%, c'est-à-dire que j'ai 1 pour 100 000 habitants, elle est rare. C'est comme ça qu'on peut déterminer, hein, tout simplement, plus le nombre, le numérateur, par rapport au dénominateur, qui est important. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait, c'est pour ça qu'on cherche à établir une population plus large. Et à ce moment-là, je vais calculer en fonction, est-ce que le numérateur est plus important par rapport au dénominateur ou pas. Si le numérateur est de 1 et que le dénominateur est très important, il faut de 100 000 à 1 million, et bien ça va devenir très rare. D'accord ? C'est pour ça qu'on calcule, et j'ai dit que c'est la pharmaco-épidémiologie, on calcule les incidences et les fréquences, ça c'est tout simplement quelque chose que vous allez voir. Là vous notez rien du tout, c'est tout simplement pour arriver à ce que je disais, on a déjà cité ça, que les effets indésirables sont des effets qui sont connus. C'est une réalité. Ce n'est pas de la science-fiction. On ne pouvait pas donner un médicament sans effet secondaire qui sont produits depuis. Ça d'entendre, je vous ai montré des exemples de 1800 et quelques, et que c'est un facteur carrément de risque. Pourquoi ce sont des effets qui peuvent aboutir à un échec thérapeutique, à un décès ou autre. On les a classés, on les a déjà vus, en effet secondaire, dose dépendante, effet secondaire, dose indépendante, on les a définis. Je vous montre tout simplement également deux schémas, c'est des chiffres pour moi, c'est la culture. Pour faire un médicament, on passe par deux phases. Une phase qui est rose, une phase qui est jaune. Avant la phase 1, avant les phases précliniques, les animaux, dans les deux, et bien, pour développer une molécule de façon chimique, voilà parce qu'on l'a estimé, ça peut coûter un peu plus de 300 millions de dollars. Ça, c'est pas le plus important. Pour le développement clinique, sur les essais, ça peut aller jusqu'à 500 millions de dollars. C'est-à-dire que pour faire un médicament, et souvent, c'est pas parce que j'ai parlé des IEC et d'atouts, vous allez commencer à tousser. On va pas calculer les incidences aujourd'hui. On est et on part jusqu'à 800 millions de dollars. Souvent pour un éléphant qui accouche du sourd. D'accord ? Pour beaucoup d'argent, pour avoir des petites gélules. Ça fait 800. Là, le chiffre est gardé en tête. Pourquoi ? Parce que le coût des effets secondaires, quand les essais sont bâclés, coûte aussi cher. En France, en 1996, ça a coûté 2 milliards. Donc, c'est-à-dire presque 1 milliard et quelques en euros. Ça fait quand même. Bon, en 2006, en Grande-Bretagne, les chiffres que j'ai entre les anciens, pour ajouter parfois un petit zéro à côté, ils sont de 446 millions par an. 1 demi-milliard. Ça fait quand même assez important. Aux États-Unis, puisque j'ai parlé de dollars, ce que coûtent les effets, les accidents, les remboursements, les effets secondaires quand il y a des échecs thérapeutiques, en 2001, c'est 170 milliards. Ça coûte aussi à la moitié du développement des médicaments. D'accord ? Pour ça, pourquoi ? Parce qu'on s'est précipité pour faire les médicaments et que les effets secondaires, je le pense, d'hospitalisation et de remboursement, coûte aussi cher que lors d'une fabrication d'un médicament. Et vous mettez cette définition simplement dans la tête. 1, 2, 3. Vous avez mis 1, introduction. 2, développement. On a vu dans le développement, vous avez mis passe une, deux, trois, quatre. Et là, comme je vous ai dit, c'est un film hindou. On voit sur l'introduction. D'accord ? Il n'y avait pas de danseur, c'est tout. Donc vous mettez, on rentre dans le vide du sujet, c'est la pharmacovigilance. Et vous avez, en premièrement, donc, la définition. C'est tout simplement, je vous ai dit, un lien de causalité qui est entre le médicament et les effets secondaires. C'est une définition qui a été donnée par l'OMS en 1972. Dans des pays autres, les essais ne sont pas réalisés dans la même population. Généralement, ce sont des essais qui ont été réalisés dans des populations pauvres, en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique centrale. D'accord ? Et ces essais n'ont pas été réalisés très souvent dans les pays développés. Et à ce moment-là, beaucoup de fréquences et beaucoup d'incidences ne sont pas révélées que lorsque vous les mettez en place. Lorsque vous aurez à prescrire les médicaments. Donc il faut faire attention du copier-coller. Donc, je vous souhaite bon courage pour votre examen et à jeudi. Après, c'est plus agréable. Et avant, je dis que je me lève à la vie. T'as pété la Sarah.